R.I.G. Oh, la marche, c'est vraiment toujours donné que l'eau. And R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, Marquis! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de John Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Oui, aujourd'hui, c'est la rentrée, mercredi 4 septembre. Et oui, c'est l'heure de la rentrée d'émission Johnny de A à Z, 18e saison de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Oui, moi j'ai un petit peu piétiné, hein. Je suis pas comme Thierry moi. Mais une fois qu'on est lancé, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a une adrénaline qui monte là. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Un mois de repos. Et puis ça fait du bien de vous retrouver pour vous proposer à nouveau une saison de Johnny Hallyday. Aujourd'hui évidemment, c'est le premier mercredi du mois. Je vous proposerai Johnny Hallyday en live. Évidemment, pas n'importe quoi. Live été. Johnny Hallyday a pratiquement fait chaque année une tournée d'été. On va le retrouver un peu partout. On va commencer à partir de 1961 jusqu'à 2016. Et on va traverser toutes les décennies. Un titre par année. Vous allez voir, ce sera un joli programme. Mais juste avant de commencer ce spécial live de la rentrée, je vais vous proposer un titre qui va sortir en vinyle le 6 septembre. C'est la version Que je t'aime, qui va sortir en 25 cm. Oui, limité à 3000 exemplaires. Il y aura 6 titres dessus, donc Que je t'aime en stéréo, Que je t'aime en mono, une version de Que je t'aime alternative. Il y aura aussi la version japonaise et la version italienne, mais il y a aussi la version que Johnny avait donnée sur l'antenne de Europe 1. C'était le 22 avril 1969 et donc c'est une version piano-voix. Je vous propose d'écouter ça tout de suite, en exclusivité sur RIG. Bon, je vous dirai, on l'avait déjà passé hein, cette chanson-là, hein. Mais on le passe parce que ça va sortir le 6 septembre dans, chez tous les bons disquaires et voilà, hein, et d'autres qui ne sont pas des disquaires, mais ça, ça marche aussi chez eux. Voici tout de suite le titre Que je t'aime, version piano bois, et donc c'était sur Europe 1. Alors, Johnny Phénomène, on change de place, on va jusqu'au piano. Oui, enfin, je vais essayer. Je ne garantis rien parce que je suis en train. On peut vous dire une chose, c'est qu'elle est vraiment toute nouvelle. Elle n'a pas encore été répétée en orchestre. Et... musique de Jean Renard, paroles de Gilles Thibault et Johnny Hallyday va se débrouiller au piano avec ça, enfin, avec un de ses complices. On va voir ce que ça peut donner. Un verre d'eau, je signale. Bon. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Deux fois. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, oh, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous venez d'assister à la naissance d'un tube. Les complices, Jean Renard, Gilles Thibault, Johnny Hallyday. Il ne s'est pas trompé, il ne s'est pas trompé. Et Jean Renard, justement, se souvient de la première fois que Johnny a chanté cette chanson-là sur l'antenne d'Europe 1. Il disait, je m'en souviens parfaitement, Johnny qui venait de se lever m'appelle, Fox, viens avec moi à Europe, on tourne une émission. Je vais le chercher en voiture, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va chanter. Le présentateur demande à Johnny s'il a des nouveautés. C'était quelques jours après la fameuse soirée chez moi avant le Rex. Johnny demande s'il y a un piano et suggère de chanter « Que je t'aime », même si on ne l'a pas répété. Heureusement, je conservais toujours des textes dans ma mallette. Et on a joué « Que je t'aime » en direct. D'ailleurs, si vous écoutez cette version, on remarque la voix fluette de Johnny, comme dans l'idole des jeunes. Cela n'a plus rien à voir avec la voix qu'il aura après. Ce qui était vrai. Et si on attaquait tout de suite donc le live de Johnny Hallyday, la version tournée d'été. Tournée d'été, c'est parti sur l'antenne du RIG. Deux heures de live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va commencer par un concert de août 1961. Johnny Hallyday. Hallyday a pris son micro portatif à la main, il pénètre en scène, maintenant c'est le calme. C'est parti. Je n'ai pas à te raconter. Faut saisir sa chance. Ouais, ouais. Tu m'as donné la vie par esprit de famille, travailler nuit et jour pour forger mon destin, oubliant les amis, le bon temps et les filles, pour que dans l'avenir je devienne quelqu'un. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Il faut saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe. Ouais. Il faut saisir l'amour, l'amour, l'amour, l'amour à bras le corps. Lui donner tout son être, lui donner tout son être et même plus encore. Il faut vivre sa vie car elle passe. Il faut vivre sa vie comme le bien. Malgré toi m'ont fait un caractère. Et tu ne comprends pas que ceux qui ont 20 ans font les mêmes erreurs que toi, tu finis la guerre. Et tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Je dois savoir ma chance, coûte que coûte. Je dois savoir ma chance pour que demain sonne la délivrance et que mes doutes écrasés d'espérance me rendent chemin. Je veux lancer au ciel comme un défi le cri de mes 20 ans. Le cri de la jeunesse, le cri de la jeunesse qui veut défier le temps. Je cours après ma chance, cherchant la route. Le feu de l'expérience pour me brûler. Elle est ma... C'était Johnny à Saint-Raphaël en 1961. On va le retrouver maintenant à la Place des Nations le 22 juin 1963. Est-ce que vous savez taper la Romain ? Vous écoutez RIG, la radio de John Hayden tous les mercredis soirs. De 22h jusqu'à minuit, bien entendu. Hein. l'anniversaire de la Place de la Nation qui a été organisée par Europe 1 et diffusée simultanément à la radio sur Europe 1, bien entendu en 1963. En toute journée d'été en 1965, le 20 août, puisque je vous propose des concerts d'été, c'était à Montreux, 20 août 65, quand revient la nuit. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Continue, bien entendu, c'est la rentrée sur RIG de Johnny Hallyday, l'émission Johnny de A à Z. On le retrouve dans, lors d'un show RTL le 12 septembre 1967 avec Amour d'été. Thank you. show exceptionnel. C'était le 9 août, au pied du Lydia, le paquebot des sables. Johnny donnait un concert qui fera date et était retransmis en direct par la radio Europe 1 dans l'émission Campus présentée par Michel Ancelot. C'était, oui, à Port-Barcarès, le 9 août 1969. Voici le cours plus vite, Charlie. Un titre qui nous manque dans le Palais des Sports 1969. Michel Ancelot d'une encore une émission Campus. Et cette fois-ci, c'est à Palavas les Flots. Il y a un immense projecteur très lourd. Vous voyez ces gros projecteurs lourds. Bien, à force d'être bousculé, s'est effondré sur la foule. Mais je pense qu'il n'y a eu, d'après ce que je vois d'ici, il n'y a eu aucun blessé. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. Johnny a continué. Bonne vacances. On retrouve pour une chanson encore avant les informations. Nous sommes à Palavas-les-Flots le 17 août 1971. Très bonne année. Et Johnny va nous apprêter la fille aux cheveux clairs. Hey! 1972, on retrouve Johnny, Dead or Alive, Johnny Circus. Yeah. tout le monde. Une fois, je veux vous entendre crier. Maintenant, maintenant, je veux vous entendre. Thank you. fameux Johnny Circus en CD, hein, ce serait bien, n'est-ce pas? Puisqu'on l'a ici à la radio sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Attention! C'est la chanson performante du tour de Johnny Hallyday. Pendant celle-ci, Johnny encore un cancer retransmis à la radio aux arènes de Béziers, c'était le 3 août 1974. Voici le titre, Prends ma vie. On est bien sur RIG. Concert d'été sur le thème de RIG ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Cette fois-ci, Johnny est à Bochu ou Bocuse, comme vous voulez. Et heureux de pouvoir faire ce spectacle. C'était pendant l'été 1974, le 27 juillet. Qui écrit toutes les paroles de mes chansons, qui écrit énormément de musique également pour moi, qui s'appelle Michel Mallory, qui est venu ce soir avec moi aujourd'hui pour chanter. Marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi. Elle a son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt. Tu

Que Johnny reprendra pour le Palais des Sports de 1976. On retrouve Johnny tout de suite en 1977. À Saint-Tropez, c'était le 8 août. Et le titre, Gabriel. À présent, nous sommes le 18 juillet 1978. Concert à Marseille sur l'esplade du Pharo. Ouais. Avec le titre « Va te cacher », extrait de l'album « Solitude à deux ». Un titre qui sera vite abandonné. Un an, jour pour jour, le 17 juillet 1979, Johnny revenait à Marseille cette fois-ci. Oui, pourquoi cette fois-ci? Non. Avec le titre « Cet homme que voilà ». Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. J'espère que ce petit live tourné d'été vous plaît. Ouais, on recommencera. Il fait un petit truc, une petite thématique comme ça, du genre tournée d'hiver et compagnie. Ouais, on reverra ça. Tu te rappelleras À présent, nous sommes à Orange, dans les Indes d'Orange, le 27 juillet 1980. Ça y est, on passe dans une autre décennie. Et voici le titre « Ma gueule » que Johnny venait de présenter presque un an auparavant au pavillon de Paris. On cherchait plutôt À présent, nous sommes en 1983. Johnny vient de finir l'enregistrement de l'album Entre violence et violon, mais évidemment, ce titre-là, Mon petit loup, oui, il avait enregistré également pendant cette session d'enregistrement en 83. Et il le présente en avant-première sur une scène de Saint-Servan. Nous sommes en 1985. Les organisateurs de la Fête de l'Humanité ont choisi John Hallyday pour leur gala de clôture le 15 septembre 1985. C'est encore l'été, mais oui, bien sûr. Tournée d'été dans l'émission Johnny de A à Z pour cette rentrée 2019-2020. Je ne dois rien à personne, mais je ne méprise personne. Oui, j'ai donné plus que personne à cette carte grise me colle. Je me fous de ce que l'on pense, mais pour tout dire, je m'en balance. Oui, j'ai mes joies et mes souffrances, chaque jour s'avance. Non, je ne vois rien à personne, mais je ne méprise Voici à présent un petit medley qui est incontournable dans l'émission Johnny de A à Z. C'est le fameux Nîmes de 1988 où Johnny chante Tom Dooley, Loving You, All I'm Shaking Going On. Je vous laisse découvrir ce petit bijou de 1988. Qui s'appelait les Hallydays. Mon premier contrat, c'était dans un endroit qui s'appelait... Enfin, c'était au Bois de Boulogne. Non, non, non, non, c'est pas ce que vous croyez. C'était dans un restaurant, dîner, avec des numéros. Et le premier soir, je chantais, on m'a viré. Il paraît que je faisais trop de bruit. Ça dérangeait les gens qui mangeaient. Et pourtant, j'avais commencé une chanson comme ça. Hang on your head, Tom Dooley. Hang on your head and cry. Hang on your head, Tom Dooley. Poor boy, you're gonna die. Alors jusqu'à là, ça allait. Mais ça a commencé à glacher quand j'ai continué sur Hang on your head, Tom Dooley. M'a dit dehors. J'ai dit non, donnez-moi une chance et encore une chance. Alors, elle m'a dit bon petit, il y avait un gros cigare. Elle m'a dit bon petit, alors encore une chance, mais alors tu te calmes. Hein. Des chansons romantiques. Je dis d'accord. Et le lendemain, je suis revenu non, David Croquette. Pourquoi David Croquette? Alors là, je suis revenu. Mais ne vous inquiétez pas, patron. Je vais vous faire une chanson lente. Et chanter une chanson comme ça. La première fois que je la refais sur scène, alors il faut que je me rappelle les accords. Summer, springtime too. Loving you, loving you makes no difference where I go or what I do. You know I will always be be blue. Don't want you to be blue. I'll be faithful. I'll be true. Always true. Où les gens peuvent manger dessus. En raconte le pauvre King dans sa tombe s'il entendait ça aujourd'hui. Ah, il m'a dit, continue comme ça, petit, reviens demain. Demain, je suis revenu, il m'a viré définitivement. Vous savez pourquoi ? Il m'a dit, j'en ai une nouvelle, patron. J'ai commencé comme ça. Là, c'était foutu. Oh, Cécile, c'est Francopholise en 1991. Tournée d'été, Johnny Hallyday sur Antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Oh,

Quand même que pour des playback, c'est pas mal, non ? C'est pas mal du tout. Nous sommes à l'an 2000 et Johnny donne son le coup d'envoi de son jubilé de l'an 2000 à Toulouse. Et à Toulouse, il nous met, évidemment, il y a quelques mises au point. Hein ? Ça, c'est parce que vous êtes là et vous êtes chaud. Et il nous interprète un titre qu'il a abandonné. Voici tout de suite Les Larmes de Gloire, le 2 juin 2000. À présent, nous passons à l'année 2006, exactement le 20 J'aimerais juillet. J'aimerais chanter cette chanson pour celui qui m'a écrit cette chanson, à sa mémoire. Johnny Hallyday à Carré, lors du Festival des Vieilles Charrues, avec Quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee. tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la vie, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Oui, quelque chose en nous de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, oui, si peu d'amour avec tellement de bruit. Oui, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, se rêve en nous avec ses mots à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Vous chantez bien. Hein? Merci. À présent, nous sommes en 2009 et RTL a rediffusé le concert que donnait Johnny Hallyday sous la Tour Eiffel. C'était le 14 juillet 2009. Alors, qu'est-ce qu'on chante? Et avec ce titre, ça ne finira jamais. C'est une chanson du dernier album, oui, écrite par Calogero. C'est la chanson qui donne d'ailleurs son nom à l'album. C'est un message que Johnny envoie à tout le monde puisque c'est sa dernière tournée. C'est certainement la dernière fois qu'il se produit sur une scène gigantesque en plein air. Mais la chanson s'appelle « Ça ne finira jamais ». Et pour l'instant, Johnny n'est pas encore monté sur scène. Tous les musiciens... Les musiciens sont là. Ouais, ils sont tous de noir vêtus. Philippe Huminski est le seul à faire face à tous les musiciens d'ailleurs. Il tourne le dos au public. C'est le chef d'orchestre. Et Johnny revient. Et Johnny réapparaît. Ouais. Chemise ouverte, noire. Des petites pierres qui scintillent sur les épaules. Sourire aux lèvres. Retroussées. Ouais. Johnny s'avance devant la scène. Jambes écartées. Il a retroussé les manches de sa chemise. Comme s'il voulait en découdre avec ce public qui n'est là que pour lui. Pas finir. Et j'aurais beau parler. RTL. Nous étions en direct sur RTL. À présent, nous passons à l'an 2012, le 3 juillet exactement. C'était à Bordeaux, c'est ici. Des duos pour vous. Après Pascal Obispo, il y a une chanteuse avec qui j'adore chanter, avec qui je chante régulièrement, qui fait partie de mon groupe. Je pense que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Amy Keys. J'adore chanter avec elle parce que c'est une superbe chanteuse. Et pour vous ce soir, nous avons choisi de vous interpréter une chanson du répertoire de Tom Jones, I Who Have Nothing. Nous sommes à Namur, le 23 juin 2013. Nous sommes en été. Je vous propose encore les tournées d'été de Johnny Hallyday tout au long de sa carrière. Même pas là pour payer avec un titre par-ci, par-là. Voici 20 ans. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Ah, il n'y a pas grand-chose que l'on regrette, où l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé 8 ans de tempête qu'on ne sait. Sur la radio RTS, s'était diffusé le concert de Johnny Hallyday en 2015 à Paléo. Un concert à suivre sur la première pendant encore quelques minutes, celui qu'il a donné ici à Paléo, Johnny Hallyday. Nous sommes avec Didier Dana pour écouter et commenter tout ça. Voici le titre, Nadine. Viens dans ton quartier pour essayer de te revoir. Mais lorsque tu m'as vu, tu as changé de trottoir. Tu es rentré chez toi, le temps permet les rideaux. J'ai dormi sur un banc. Avec des frissons dans le dos. Nadine, Nadine, où es-tu? Oh, Nadine, oui, Nadine, où es-tu? J'aimerais tellement te revoir, comment te le faire savoir? Avec ma Cadillac, je suis venu. Dernier titre de la soirée que je vous pose dans l'émission Johnny de A Z spécial live tournée d'été. Voici un titre de la dernière tournée de Johnny Hallyday. C'était en 2016 aux Arènes de Nîmes le 17 juillet avec le titre Lettre promise. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z, la première émission de la nouvelle saison 2019-2020. Oui, c'est la rentrée, vous étiez là au rendez-vous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et ouais, déjà, ça commence. Le prof est absent. Scandale. Merci encore, grosse bise les filles, grosse poigne les gars. À bientôt, ciao.